Bonjour les chers auditeurs des Pas-de-Calais. Voilà, le premier mois de la nouvelle année de la saison 4 des Pas-de-Calais commence. Et bon, la première chose à dire, c'est bonne année tout le monde et bonne année aux auditeurs. Eh oui, bonne année à tous. Et puis merci pour votre fidélité et vos nombreux commentaires sur notre chaîne. Mais bon, on a le droit de plaisanter. Hein. Et voilà, donc on vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2021, parce que 2020 a été assez difficile pour tout le monde. On va pas trop tarder, on va pas trop tergiverser, quoique si. On va parler tout de suite d'un film qui est sorti en décembre, mais qui devait sortir au cinéma, dans les salles de cinéma, mais avec le confinement et toutes les histoires, là, il n'est pas sorti, mais il a été diffusé sur la chaîne HBO Max. C'est le Wonder Woman 1984, donc réalisé par Patty Jenkins, qui avait déjà réalisé le premier en 2017. Au casting, on retrouve toujours Gal Gadot, qui reprend le rôle de Wonder Woman après Batman vs Superman et le film Wonder Woman, Justice League aussi. Donc ça fait déjà 4 fois qu'elle incarne le personnage. Après, on a Chris Pine qui fait son grand retour entre guillemets dans la partie, je vais dire vilain. On a Pedro Pascal, notre Mandalorian préféré. Ah, ça y est, je tiens plus Fabien, il est sur sa chaise. Luc, viens à mon secours. Donc voilà, donc Pedro Pascal, qu'on a pu aussi voir dans la dernière série Narcos et Game of Thrones, hein, il n'a pas fait que le Mandalorian. Et puis pour la partie féminine, on a Kristen Wiig qui incarne Barbara Minerva, alias la future Cheetah, plutôt Kraven, non ? Oh non, pas Kraven, non, on parle pas Kraven. Marc, dans le costume, il y a quelque chose de Kraven. Il y a du Kraven dedans. Pour un petit peu lancer le film, c'est l'histoire, c'est que il y a une espèce de... Je sais pas si c'est vraiment spoiler. Je propose de spoiler, parce que sinon il y a beaucoup d'avis qu'on pourra pas dire sur ce film. Je pense pas qu'on va faire une partie sans spoil, une partie no spoil, parce que on galère avec les time codes. Je vais pas dévoiler l'histoire parce que moi je vais y aller à fond, hein, je le dis tout de suite. Ouais. Non mais rien que dans le résumé, je crois qu'il y a déjà un spoiler déjà dans le résumé. Bah même dans les reviews que t'as sur internet, t'as déjà pas mal de spoilers aussi. On va dire simplement que cette fois-ci Diana là, elle retrouve Steve Trevor. On va dire pourquoi, comment il revient. Elle se retrouve face à face avec Maxwell Lord. Et Barbara Minerva alias Cheetah, voilà quoi. Puis donc elle se retrouve avec deux adversaires sur le dos. Le film est pas vraiment convaincant. Alors, il est en tout cas moins bon que le premier. Les scènes d'action peinent à convaincre aussi. Puis il est pas égal. C'est-à-dire qu'à un moment t'as des CGI cheapos, hein, complètement. Ah oui, faut dire s'il faut. Ça c'est dégueulasse. Et puis après dans le même scène t'as des scènes correctes quoi. Tu comprends pas. C'est pas égal comme film. Puis il y a des éléments qui cadrent pas vraiment avec le truc. On se demande. Bon c'est pas un spoiler vu qu'on le voit dans le trailer. On se demande à quoi sert cette armure dorée quoi. Tu vois. Ah c'était pour faire une planche de Saint Seiyagé. Ouais. Toi tu dis c'est l'armure du Sagittaire. Ah c'est l'armure du Sagittaire ouais. Hein, complètement. Mais en fait cette armure si je peux un peu rentrer dans l'anecdote, c'est que cette armure, elle a été créée pour le comics Kingdom Come, qui a été édité en 1996, attention les références, et donc écrit par Mark Waid et surtout dessiné par l'immense Alex Ross. Donc c'est un comics qu'il faut absolument posséder, parce que je vais pas rappeler le scénario, parce que c'est pas le principe, mais c'est la première fois qu'on voit justement Diana porter cette armure, c'était dans ce comics. Et dans ce film, elle sert strictement à rien, cette armure, hein, franchement. Elle est là pour rien que pour le fanboy, quoi, pour moi. Puis en plus, quand t'as pas la référence comme Kingdom Come et trucs comme ça, tu te demandes carrément qu'est-ce que ça fout là. Et pour l'ambiance globale, on va rester dans la zone no spoiler, on va dire. Dans l'ambiance globale, c'est que il y a quand même un déséquilibre, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment dans le sérieux au début du film. Après, ça redevient un petit peu plus sérieux, et après on redescend un petit peu dans ce qui s'appelle un petit peu le ridicule, quoi. Bah de toute façon, première partie de film, t'as l'impression de regarder une mise en bouche d'un film normal, hein, pour être honnête. Après, t'as des scènes d'action dans la deuxième partie, voilà, c'est de l'action, et la troisième partie, c'est Power Rangers, quoi. Moi, je pense que là, la réalisation, ça pêche. Alors, je sais pas s'ils ont dû changer des méthodes de travail, changer des scènes ou des trucs comme ça, mais je veux dire, voilà, au niveau de la réalisation, c'est plan-plan, c'est lent, une bonne partie, la première partie du film. Il y a un temps mort pendant une heure, là. Ouais. Après, t'as dit, du coup, ça va rusher à mort après, et ouais. Non, ça rush pas. Il y a de l'action, d'accord, mais il n'y a pas de rushage. Donc du coup, c'est complètement... ça arrive à me sortir du film parce que ouais, carrément, les moments où je me faisais chier, quoi. J'aurais été au cinéma, j'aurais pris plus qu'un paquet de pop-corn. Je me serais servi une fois. Ouais, on va évoquer notre épisode sur Star Wars 8 où vraiment, ça a été douloureux, quoi, pour toi. Star Wars 8, je me suis tellement emmerdé devant Star Wars 8 que j'ai fait péter les plombs à Fabien parce que j'arrêtais pas de bouffer. Ça, c'est un signe. Quand on va au cinéma avec moi et que je mange, c'est que le film, c'est une merde. Et là, je pense que j'ai arrêté de racheter un pop-corn. Par contre, si tu es dans le DC-verse, et là, il y a un grand, il y a encore un problème dans ce film. Non, il y a plus de diviverse. Le diviverse est mort. Ouais, c'est ça. L'univers partagé est inexistant. Non, il y a plus. Le DCEU univers, il est mort. On voit que s'il n'y a pas Wonder Woman, ils régleront pas le problème. Il y a pas d'autres méta-humains comme Aquaman ou Batman ou Superman. D'ailleurs, si on, à mon avis, Superman n'est pas encore arrivé sur Terre à cette époque, mais bon. C'est un film où, franchement, à tout moment, je me suis dit, oh, c'est pas possible, il va y avoir John Constantine là-dedans. Enfin, je veux dire, voilà, il y a que Wonder Woman pour sauver la situation. Et puis même les forces qui sont en jeu, enfin, ça fait, j'en reparlerai dans la partie spoil, mais il y a une expression qui me brûle les lèvres depuis. C'est, je vous le dirai après. Bon, côté scénario, on va dire le développement sont trop prévisibles, complètement prévisibles. Ouais. Téléphoné. Moi, c'est que le scénario il est déjà prévisible, mais il y a aussi hyper référentiel. Moi, je pense quand même à Superman 3 pour certaines scènes. Moi, je pense à Superman côté, 4 carrément. Alors, c'est pour te dire. Côté ridicule de certaines scènes, tu vois. Et puis, je passe aussi à Batman Returns pour l'origine de Cheetah, quoi. C'est Michel Pfeiffer qui en l'est dit. Enfin, on l'a dit, c'est un gros mot parce que Michelle Pfeiffer, c'est une très belle femme. Kristen Wiig, elle est pas moche non plus. Puis là, il en l'a dit, et puis ils lui font une espèce de binoclarde. Et puis après, elle devient super forte et tout, tu vois. Le super cliché, tu vois. Ouais. La binoclarde, comme tu parlais de Catwoman, c'est exactement ça. Ouais. Bon, pas celle avec Halle Berry, ce film a jamais existé. Non, pas celui-là. Mais voilà, le film avec Batman Returns. Batman Returns avec Pfeiffer, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est complètement ça. C'est copié-collé. Le personnage, c'est un copié-collé. Donc, il n'y a pas de recherche non plus de ce côté-là. Et puis, 2h30, c'est trop pour moi. On aurait pu facilement couper une heure ou trois quarts d'heure, quoi, dans ce film. Bah après, tu vois, il était prévu pour aller en salle et c'est ce que je te disais, c'est inégal. Le rythme est pas égal. Et il y a un moment, tu te dis, ils ont fait de la retape pour faire du chiffre horaire ou quelque chose comme ça, parce que tu sais pas. Il y a des passages qui sont longs, qui sont lents, et puis il y a des passages, bon, faut en revenir dessus. Tu te demandes qu'est-ce que ça fout là à ce moment-là et tu te dis, bah, c'est juste pour faire de l'heure, en fait. Parce que c'est pas handicapant d'avoir tout le temps des films qui font 2h30 maintenant, tu vois. Ah, c'est parce que c'est devenu la norme. Malheureusement, le cinéma, au lieu d'être, on va dire, quelque chose culturel, c'est devenu quelque chose de loisir. Ouais, non, c'est la pure consommation de films. Voilà. Et puis, un peu comme Avengers Endgame, il fallait qu'il fasse 3 heures parce que c'était le final. Ouais. Mais finalement, tu aurais pu dégager 1 heure d'Avengers Endgame. Quand tu prends Avengers Endgame qui dure 3 heures, je me suis plus ennuyé que devant un Seigneur des Anneaux qui durait aussi 3 heures, mais pour lesquels je me suis pas ennuyé. Tu parles la version courte, on va dire, entre guillemets. Ouais, la version courte. Parce qu'il y a la version longue qui fait 4 heures, quoi. Ouais, la version longue. 4h30, quoi, même. Bah, 4h30, ça se laisse, il y a des longueurs, là, mais tu comprends pourquoi. Voilà. Parce que ça apporte quelque chose. Ça apporte du visuel, ça apporte, comme le roi, tu sais pourquoi le roi, il a 80 ans. Enfin, on va pas revenir sur le Seigneur des Anneaux. C'est excellent, quoi. Parce que d'habitude, on digresse sur Star Wars. Hein. Là, on digresse sur Lord of the Rings. On va pas tarder à digresser sur Star Wars, je pense. Mais voilà, moi je trouve que dans Wonder Woman, il y a des longueurs, je sais pas ce que ça fout là. On verra si on a une Snyder's Cut. Non, je déconne. Non, il y aura pas ça, mais... Et puis, sans rentrer dans le spoiler, pour moi, les méchants, ils sont mal exploités, mais par rapport à leurs personnages d'origine dans le comics, qui sont beaucoup plus des manipulateurs, des gens, des personnages cyniques, que là, t'as des caricatures qui ressortent, mais à un point... En un film, c'est obligé, t'auras des caricatures. Parce que sinon, il faut faire une saga. Pour avoir quelqu'un de manipulateur et tout, il faut faire une saga. Mais enfin, une saga avec Wonder Woman, je vois pas comment ça terminerait. Mmh. Donc ça, si ça sort des personnages de la BD, moi, ça me sort pas du film. Par contre, leur exploitation est catastrophique. Donc là, ça me sort du film. Ouais. Moi, je t'expliquerai pourquoi j'estime qu'ils sont mal exploités et qu'ils sont mal écrits. Je vais le dire en zone spoiler, plutôt. Pour faire des comparaisons avec les profils du comics, par exemple, tu vois, par exemple. Et je pense qu'on a un petit peu défriché un peu le terrain, là, en no spoiler. Ouais, sinon, moi, je peux dire, il y a des trucs qui valent le coup d'être regardés. Hein. Moi, la session Interville, elle m'a beaucoup plu, par exemple. C'est quoi cette affaire? Le début, ouais. Il y a l'intro avec la John Diana, bon. Voilà, après, le message. C'est plein de CGI dégueulasse, mais bon. Le message du film, on en reviendra dans la partie spoil, mais là, ça m'a pas convaincu du tout. Non, c'est pas terrible. Voilà. C'est assez mièvre. Hein. Et puis après, la cadence du film est totalement inégale. T'as des scènes où tu te dis, ouais, ça va, c'est pas mal. Et puis t'as des scènes où tu te dis, je me fais un peu chier, c'est cheap. Voilà. Bah, sur 2h30, on va dire qu'il y a 4 scènes d'action. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas énorme en scène d'action, mais bah, du coup, tu regardes plus ta montre que le film des fois. Et quelle est la meilleure? Moi, je dirais que la meilleure, c'est la scène dans... Bah ça, on en reviendra plus dans la partie spoil. Dans Washington, par exemple, tu vois. On le voit dans le trailer. Ouais, dans le trailer, on le voit. Moi, je trouve que la meilleure scène, c'est celle de où ils sont dans les couloirs de Washington. Non, bon, moi, il y en a une que j'ai pas fait depuis longtemps. Pour moi, la meilleure scène, c'est le générique de fin. Je l'avais pas fait depuis longtemps, ça. Donc voilà, on va, vu que Teddy est impatient de passer en zone spoiler pour... Ah bah moi je suis un fan de Senseiya, donc c'est le film parce qu'il trouvait que c'est, il trouvait que c'était encore, c'était aussi, aussi nul que ces Suicide Squad et Bird of Prey. Donc voilà, c'est peu dire. On va dire suis... ça. Alors, ouais, voilà, hein. Moi je me suis moins fait chier devant Suicide Squad. Donc, j'ai un peu honte de le dire. Mais tu devrais être honteux. Si ce encore... film est une merde. Si encore ils avaient mis un Slipknot qui se fait exploser la tête, oh là, ça aurait été bien. L'apothéose, on va dire. Ça aurait été pff, l'excellence. C'est pas une sombre merde, ce film. Non. C'est, mais pour moi, c'est... C'est passable. C'est passable, voilà. Tu regardes une fois, mais après t'as oublié, quoi. Ouais, c'est comme un Ant-Man and the Wasp. Tu regardes, tu sais pas pourquoi, c'est du remplissage. C'est horrible, ça, c'est le pire film des MCU. Avec Thor 2. Avec Thor 2, ouais. Et Iron Man 2, peut-être. J'aurais dit Thor Dark World, moi, le pire film. Parce que quand même, un scientifique avec des trépieds qui arrive à battre une divinité, faut pas déconner non plus, hein. Qu'est-ce que c'est type, ce film? Mais on n'est pas là pour parler du MCU, et puis on va pas aller en zone spoiler. Allez, on va rentrer en zone spoiler, comme ça je vais pouvoir donner le vrai titre du film qui était prévu. Tu vas pouvoir décharger tes cartouches, maintenant. Ouais, puis je vais pouvoir donner le vrai titre du film qui était prévu à l'origine. Allez, vas-y, envoie. Bah, c'était Ta gueule, c'est magique. On en a parlé beaucoup, cette affaire, d'ailleurs. Ça résume tout parce le film. On va revenir sur le principal effet magique, on va dire, du film. C'est qu'il trouve un artefact qui est vieux de plusieurs millions d'années, apparemment. Bah non, en fait, normalement, c'est un artefact cheapo. C'est-à-dire que Barbara, elle dit, c'est un truc qui doit même pas coûter $80. C'est une fausse pierre, c'est de la silice, ça vaut rien, machin. Et pour finir, voilà, c'est un artefact puissant. Bah, ils retournent le truc, il est marqué Manichino, mais c'est pas grave. À la limite, ouais, hein, t'attendais à voir un donc, cristal. Cette pierre qui a un peu les formes de la forteresse de solitude de Superman, je sais pas si t'as vu un petit peu remarqué. Oh, j'ai pas fait de rapprochement, moi j'ai plus pensé à un cristal de communication dans Stargate. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et donc il y a cette pierre qui donne de fabuleux pouvoirs à ceux qui... C'est-à-dire qu'ils peuvent souhaiter tout ce qu'ils veulent, quoi. Non, ils peuvent faire un vœu. Ils peuvent faire un vœu. Un vœu, un seul. À part que après... Bah, bien sûr, le super méchant, lui, il veut le vœu d'avoir tous les vœux. Lui, il s'approprie carrément les pouvoirs de la pierre, quoi. Ouais, comme c'est pratique. Et voilà, comme ça, lui, il peut exaucer tous les vœux, mais on voit... Mais il doit être en contact physique. Il y a des effets catastrophiques, quoi, derrière, avec... C'est, bah, tu vois, il parle du syndrome de la patte de singe. Je sais pas si tu connais cette légende. Une patte de singe qui a 4 ou 5 vœux, mais à chaque fois que tu fais un vœu, c'est un peu comme dans Leprechaun, le film d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a une contrepartie derrière, mais bien, quoi. La contrepartie diabolique, on va dire. Diabolique. Disons que tu signes un peu un contrat avec le démon, quoi. Ouais, c'est comme si t'avais signé un contrat avec Disney, ouais, pareil. Tu donnes, on va dire ça, ouais. J'arrive pas à trouver. C'est un peu faustien, tu vois. C'est ça, il y a un côté faustien, comme tu dis. Très juste. En fait, apparemment, quand il donne un vœu, mais lui, il aspire un petit peu l'énergie vitale de la personne. C'est-à-dire qu'il a une contrepartie. Si l'autre, il a un vœu, la pierre, c'est au pif, la contrepartie. Et lui, quand il a les pouvoirs de la pierre, donc le méchant, Lord, Star-Lord. Lord, ouais. Star-Lord. Chris Pratt. Donc quand l'autre, il choisit sa contrepartie. J'avais pas tellement compris comme ça, mais à la fin, apparemment, il prenait quand même un petit peu le... un petit peu de source vitale des gens qui choisissent. Parce qu'à un moment, il y a cette scène. Bon, peut-être, si tu sautes à la fin, ça va être compliqué. Par chronologie plutôt, parce que bon. Non, mais à la fin, il fait On va raconter le parcours de Lord un petit peu. À la fin, c'est carrément le mec, c'est Dragon Ball. C'est-à-dire qu'il contacte tous les humains, il fait un Genki-Dama, il demande donnez-moi votre énergie, c'est pareil. Et c'est-à-dire que Lord, lui, est quand même un minable, un escroc, hein, dans son genre. Il promet des trucs à plein de monde, et puis, il découvre quand même assez vite qu'il y a cette pierre qui donne des pouvoirs. Bah, il commence un petit peu à être en expansion. Il veut du pétrole, il veut ceci, il veut l'argent. Après, il passe un deal avec le président, qui est complètement con d'ailleurs, ce président. Mais bon, il dit je veux encore plus de missiles. Bah non, c'est parce que au lieu de dire je veux la paix sur Terre, non, il veut plus de missiles, ce connard. Tu vas pas me faire croire qu'on n'a pas vu de président con ces 4 dernières années aux États-Unis. Il n'y a que ça, de toute façon. Donc, aux States ou en France, on a vu que ça, de toute façon. Donc voilà, quoi, il y a que des connards. Et même Kim Jong-un, il l'aurait pas fait celle-là. Non, c'est vrai en plus. Un connard fini, le président américain, quoi. Puis en ce temps-là, en plus, il ressemble même pas à Reagan, parce que c'était Reagan en ce temps-là, en 84, donc il y a même pas de référence historique. Alors attends, si tu veux faire qu'il y a des références historiques là-dedans, le breakdance, c'était dans les années 90. Ouais. Les jeux vidéo qui montraient, c'était en 87. Les malls, c'était dans les années 90-92. Dire qu'il y a un anachronisme quelque part. Non, il y en a pas un. Il y en a quelques-uns. Donc ils ont pas bien étudié non plus de ce côté-là, quoi. Je pense qu'ils en avaient rien à péter, hein, tout simplement. Ouais. C'était un divertissement, mais pas réfléchi, quoi. Ouais. Mais voilà, quoi. Ouais, Lord, et puis à la fin, il y a le pouvoir absolu, c'est-à-dire qu'il peut diffuser. Il diffuse grâce à une espèce de satellite, pour justement que tout le monde fasse des vœux. Donc ils veulent être riches, ils veulent se débarrasser de quelqu'un, ils veulent la mort de quelqu'un. Il y a plein de Porsche à un moment, je sais pas. Ça part dans des trucs, mais complètement extravagants et ridicules, quoi. C'est ça que je trouve, moi. Des clichetons des années 80. Ouais. On veut une grosse bite, des Porsche et du pognon. Bah, une grosse bite, je sais pas, mais Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est mon vœu que j'avais fait, mais bon. Je crois que c'est dans une scène coupée, mais bon. Bah, tu vois, c'est les clichetons des années 80. Ils veulent tous l'argent, la fortune. Il y a la toujours gloire, ce côté matérialiste. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va souhaiter le bonheur ou la paix dans le monde, tu vois, un truc comme ça, quoi. Bah, ouais. Donc, ils sont tous matérialistes. Et puis, finalement, à la fin, on va peut-être revenir. Non, c'est parce que je voulais pas m'emmêler avec les personnages de Lord et de Cheetah, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais terminer avec Lord, c'est-à-dire que elle commence à balancer son discours un petit peu sur le un peu mais très mièvre qui marche pas quoi. Moi ça m'a fait penser à un épisode de Yu-Gi-Oh, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour et tout ça, et puis finalement ils renoncent tous à leurs vœux, mais what quoi, tu vois. Ouais, dire il y a 6 milliards de personnes qui renoncent, il y en a pas un qui le garde, hein. Ils disent non, c'est bon, on a pas notre vœu. Puis après je sais pas, il perd son pouvoir, il va avoir son fils, parce que c'est cette relation avec son fils, je trouve que ça marche pas du tout non plus dans ce film. Ouais, puis c'est bizarre. Pour moi, son fils, c'était Grogu, mais bon. Pourquoi il n'y a pas d'oreilles vertes, il n'est pas vert avec des grosses oreilles, tu vois ce que je veux dire? Puis il soulève des gens. Mais bon, ça, on en parlera tout à l'heure. Bah, comme veut, moi, j'aurais dit, je veux que le Razor Crest y revienne. D'ailleurs, est-ce qu'il va revenir dans la saison 3? J'aime bien, on est tellement intéressé par Wonder Woman 84. On est déjà pressé. Qu'on est déjà sur le bandeau. On est déjà pressé de faire la suite. Donc je reviens au Lord. Bon, le personnage de Lord, déjà, pour le situer dans le comics, c'est-à-dire que c'est un mytho humain déjà à la base, Lord. Donc il a pas besoin d'une pierre pour avoir des pouvoirs vu qu'il les a déjà. C'est quelqu'un qui est manipulateur, assez cynique. Et il faut savoir que dans une histoire, il a même manipulé Superman. Donc il a pu faire ce qu'il voulait. Donc c'est un peu une espèce de Charles Xavier du côté obscur, tu vois, Lord. Un peu l'homme pourpre. Ouais, c'est ça. David Tennant dans Jessica Jones. C'est ça, ouais. Un peu pareil. Et puis voilà, quoi, pour un petit peu pour rappeler les références comics. Et maintenant, on va passer au personnage de Barbara Minerva, qui est dans cette version-là plutôt sympathique, alors que dans le comics, c'est quelqu'un d'opportuniste et qui est ambitieuse. Et elle acquiert justement ses pouvoirs lors de ce qu'on appelle un rituel africain. En fait, Cheetah, c'était une espèce de déesse qui était adulée par une tribu, quoi. Ouais, c'est un peu, je vais pas dire Black Panther, mais c'est un peu la déesse panthère d'une tribu africaine. Pareil, quoi. C'est un peu comme le fantôme, je sais pas si tu connais le fantôme. Bah, vaguement, là, ça date. Le personnage qui va dans la jungle et qui fréquente un petit peu les tribus africaines, toi, tu vois. Ouais. À part que le fantôme, il a pas de pouvoir, c'est juste un justicier à la Batman, quoi. Ouais, comme à Tarzan. Ouais, c'est Tarzan un mec, et Batman. Qui est physiquement balèze, quoi, on va dire. Tarzan, je l'aime bien. Mais là, Cheetah, c'est des pouvoirs qui viennent un peu d'une espèce de force noire, quoi, tu vois, quelque part, quoi. Voilà, quoi, pour Cheetah, mais là, on en fait un personnage qui est très sympathique, un peu pinoclard, comme je disais tout à l'heure, et le prototype de la mièvre des années 90. Bon, elle sait pas se défendre contre les mecs, donc il y a un clodo qui essaie de la violer à un moment, et puis heureusement que Diana était dans le coin quand même. Ouais, du coup elle la sauve, et puis du coup c'est ça son vœu à Barbara, c'est j'aimerais être aussi forte que Diana. Elle va être plus forte, donc elle va la scène complètement cool. Elle dit juste j'aimerais être comme Diana, et puis du coup paf, elle attrape le pouvoir à Diana. Elle est canon. Elle va dans les salles de muscu, puis aucune discrétion. Hein. Je te soulève des poids, mais vraiment, le gros truc qui doit peser 500 kilos, à mon avis, mais bon. Devant tout le monde. Hein. Elle fait du développé devant bouché, tout le monde, tu vois. Devant tout le monde. Aucune utilité, elle cherche pas à cacher ses pouvoirs, quoi. Ouais, puis ça choque personne. Hein. Non, ça choque personne. Puis après, elle devient, bien sûr, quand il y a l'esprit félin un peu rebelle, elle retrouve ce clochard, et puis elle le balance. Bon, là, on va dire que c'est le féminisme un peu négatif, c'est-à-dire que c'est la prise de pouvoir d'une femme qui est quand même... Tiens, c'est marrant. J'ai pas vu ça. Là, comme... par contre, elle reprend l'aspect du comic book, tu vois. J'ai pas vu ça comme un truc de féminisme. J'ai vu ça comme quelqu'un qui prend sa revanche sur quelqu'un de... Tu vois, le faible qui devient plus fort que l'autre. Ouais, mais là, elle fait preuve de quand même de cruauté, parce que elle avait pas besoin de le massacrer comme ça, tu vois. Mais j'ai pas vu de rapport avec du féminisme, tu vois. Oui, il y a une domination quand même de la femme sur son violeur, justement. Ah ouais. Non, moi j'ai vu parce ça comme... Parce que non seulement elle le provoque, parce qu'elle peut passer à côté et puis dire, tu m'emmerdes. Ah non, moi j'ai vu ça comme... Mais là, elle lui casse les bras, et puis limite elle le casse en deux, quoi, tu vois. Non, moi j'ai vraiment vu ça comme le faible qui devient plus fort que son oppresseur et du coup qui en profite un peu comme moi je pense qu'il y avait un esprit de vengeance là-dedans. Ouais, il y a un esprit de vengeance, je suis d'accord, mais j'ai pas vu ça comme du féminisme. Ghost Rider 2, l'esprit de vengeance. Hein, c'est pas Zaratos non plus, hein, mais je veux dire, non, moi j'avais vu ça comme moi je te dis, le faible qui en a marre de se faire péter la gueule, qui devient fort et puis qui... Ouais, mais il y a quand même une notion de cruauté, il y a pas cette notion de faire justice, cruauté, quoi, tu vois. Mais féminisme, j'ai pas trouvé. Non, voilà, quoi. Et puis après, elle fait un deuxième vœu, parce que Lord il réalise tous les vœux. Et cette fois, elle a sa fourrure, la Craven. Puis là, bon, c'est tout du CGI, une bataille du CGI dans l'eau. Attends, on va être honnête. Puis quand même dégueulasse, hein, au niveau de la. Il commence à faire noir. Donc du coup, tu te dis, bon, bah, les CGI ouais, vont être dégueulasses. Ouais, mais ça, c'est un cache-misère. Ouais, voilà, exactement. Là, t'es dit que les CGI machin, dis, bon, bah là. Dis là, ça va être la merde. Là, tu te dis, bon, bah, visuellement, ça va être de la merde. Ouais, ouais. Puis bon, ça part raté. Baston avec l'armure du Sagittaire. Avec l'armure du Sagittaire. Senseiya. Donc Sagittaire versus Chito, et puis ça finit dans l'eau, mais ça, elle est nulle cette. Puis c'est mal filmé en plus. Ouais, puis elle lui met pas le cap dans le cul, c'est dommage. Elle se prend une joute, par contre Chito se prend une joute, par contre Diana non. Bah non. Pas de problème. Bon bah après, si c'est la fille de Zeus, ouais, je peux comprendre que les éclairs. C'est vrai qu'elle, elle surfait sur les éclairs à un moment. Bah là, elle chevauche les éclairs et du coup, elle entend les pensées des gens. Là, je te dis, c'est devenu Goku à la fin. Bah, c'est du n'importe quoi, ces scènes où elle. En plus, t'as la scène où elle vole. Donc, moi, j'ai bien aimé. J'aime bien la musique parce que c'est issu d'un film de science-fiction que j'aime bien, c'est Sunshine. Donc, c'est la musique de John Murphy. D'ailleurs, un film que je te recommande, Sunshine. Si t'as l'occasion de le voir. Un film enfin, je demanderai à nos sponsors s'ils ont le film. De Space Opera, tu sais, de Space Opera où dans ce film, justement, ils doivent faire une mission pour justement réactiver le soleil. Mais. Oh putain, ouais, c'est un nanar ce truc. Tu l'as vu ce film ? C'est un nanar. Non. C'est très bon ce film. C'est pour l'eau, il colle une bombe nucléaire dans le soleil pour que ça redémarre. Bah, pas une bombe, mais un truc. Mais c'est bien fait. Hein. Ouais, bah, non, je dois confondre avec autre chose alors. Tu confonds pas avec The Core, tu sais, quand ils vont dans les. Ah, je confonds avec The Core alors. Ça, c'est un AV, hein. Ça, c'est mauvais. Par contre, il y a une ambiance particulière dans Sunshine. C'est très bon, moi, je trouve. Puis, il y a un très bon acteur. Et puis, on retrouve aussi Michel Yeo, tu sais, dans ce film-là, par exemple. Captain Giorgio. Voilà, il y a Michel Yeo, il y a Cillian Murphy aussi qui est très bon, il y a Chris Evans, notre ami Chris Evans, Captain America. Ah ouais, j'ai donc il y a un super casting aussi. Bah, je préférais la Torche Humaine, mais bon. Les quatre fantastiques, plaisir coupable on va dire. Mais, voilà quoi, mais Sunshine, je le recommande, encore une longue aparté on va dire. J'en étais où au fait J'ai pas monté parmi dans Sunshine. Tu disais qu'en fait la musique te faisait penser à ce film, ouais. Et c'était au moment où elle volait. En fait, quand elle vole, c'est le thème principal de Sunshine, qui est excellent, mais c'est le thème qui est bon, parce que toute la scène, elle est ratée pour moi. Je vois pas pourquoi elle vole, déjà qu'elle arrive à voler. C'est comme cette histoire de on va revenir sur le personnage de Chris Pine, le très bon acteur, par ailleurs, mais il sert à rien dans ce film, franchement. Il emprunte le corps d'un autre, il fait courir les risques au mec, en plus en faisant les opérations avec Diana, par exemple. Bah ouais. Et puis en plus, il sert à rien, il arrive à piloter un F-15 ou un F-14, je sais plus. Ouais, d'ailleurs, juste un petit message pour tous ceux qui travaillent dans un musée, pensez à vider les réservoirs de vos avions quand vous entreposez un avion. Déjà, un F-15, tu fais pas les États-Unis le Caire avec, hein. Il te faut au moins un truc qui te recharge en carburant à mi-chemin, mais bon. Et puis elle te fait de la magie, te sort de mon cul. Hein. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est une référence à l'avion invisible dans le comics. Exactement, mais ça sort de mes couilles. Hein. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ah, elle te dit, j'ai essayé avec un verre, mais bon, ça marche moyennement. Et puis, hop. Elle avait essayé avec un mug, elle l'a perdu. C'est-à-dire, attends, elle a essayé avec un mug, elle en a chié des briques. Là, elle se fait piquer ses pouvoirs par la pierre. Et elle te fait un Rasengan et l'avion il devient transparent quoi. Invisible. De toute façon, il y a invisible radar, hein. Il y a invisible, après elle passe à travers. Ah, mais bon, oui. Ça c'est complètement con cette scène. Ah putain, ouais. Ah puis il passe dans un feu d'artifice. Moi je pensais que ça volait au moins minimum 300 km/h un avion de chasse, mais bon, apparemment j'ai dû me gourer, ça vole comme un deltaplane. Et puis, bah, je sais pas, moi, j'aurais peur d'avoir un avion avec du carburant inflammable, de traverser des feux d'artifice. Non, mais c'est complètement ridicule, cette scène. Je sais pas ce que ça fout là, quoi. Il faut non, la non, mais le faut film est la ridicule. Dégager, quoi. Le film est ridicule. Puis à un moment, elle fait, elle tape dans ses mains, elle fait, puis paf, invisible. Ah, qu'est-ce que c'est que cette scène? Puis le retour de Chris Pine là-dedans, mais c'est vraiment nul, quoi. Il sert à rien, puis, mais c'est vraiment pour combler le vide du scénario, quelque part. Je veux dire, il savait pas quoi faire, et pourquoi il récupère pas, pourquoi Chris Pine, ils ont pas trouvé d'autre solution que de le faire revenir par le biais de la pierre, quoi, tu vois. Ça résume tout le film, ta gueule, c'est magique. Ouais, c'est ça, c'est des tours de magie, et c'est magique, et j'arrive à voler, et j'arrive à rendre un avion invisible. Et puis après j'ai ma super armure qui sert à rien, parce que de toute façon elle se fait fracasser la gueule par Cheetah en plus. Je sais pas si t'as remarqué. Ah bah si. Elle est solide son armure, elle se... Quand elle a son armure, à part se protéger, elle fait rien. Ouais. Elle se protège, elle fait, j'ai peur. Et puis voilà, c'est tout. Je veux dire, heureusement qu'il y a Gal Gadot, parce que bon, c'est une très belle femme. Le reste du film, franchement... Au niveau de l'interprétation de Gal Gadot, ça passe. Hein. C'est vraiment la direction artistique. Dans qui les scènes passer. Un petit peu où il faut un petit peu d'émotion, elle est un petit peu difficile quand même, je trouve, des fois. Y a pas d'émotion. Elle est un peu dans le surjeu, quoi. Dans quelle scène où il y a de l'émotion? T'as vu de l'émotion? Quand elle retrouve, par exemple, Chris Pine, tu vois, dans la scène de, où il se retrouve, quoi. Oh bon? Ouais. Non, ouais. Mais j'ai pas senti l'émotion, là. Non, t'as pas, bah non, mais c'est parce que c'est pas une actrice qui est confirmée, c'est tout. Après, elle a des rôles de femme forte, hein, c'est vrai. Maintenant, quand elle fait Wonder Woman, on y croit quand même, faut le dire. Bah ouais. C'est peut-être le seul argument de poids de ce film. C'est parce que Gal Gadot, bah physiquement on y croit, quoi. Voilà, quoi. Et puis, je crois que je fais le tour des personnages. Il y a des situations qui sont complètement ridicules, quoi. C'est ça le truc. Complètement tiré par les cheveux. Ouais, donc les scènes d'action, bah il y en a une au début, c'est dans le supermarché, qui fait très Superman 3 pour moi. Surtout la scène où tu sais, quand il y a la sportive qui est sur la rue, et puis là t'as le gros cinglier avec sa bagnole. Elle va se faire écraser, puis tout d'un coup tu vois le pied de Diana qui donne un truc. Dans la voiture, très, ouais. La voiture, Superman 3, ça m'a rappelé la scène avec. Tu sais, quand le mec se prend dans la bouche de. Mais je vais pas m'en souvenir de toutes les scènes Superman 3 il y a trop longtemps. Non, mais c'est vrai qu'il y a toute une ouverture qui implique, on va dire, qu'il y a un enchaînement de situations plus ou moins cocasses dans Superman 3. Ça m'a rappelé un petit peu cet esprit-là. Mais il y a aussi la deuxième scène, c'est il faut quand même attendre une heure parce que t'as toute l'amourette avec Steve. Ah, long. Ouais. Long. Ça, c'est super long. Super long. Et puis t'as la deuxième scène, c'est dans le désert. Alors elle poursuit l'or, tout ça, ouais. Et puis elle le retrouve bien. Hein. Et ils arrivent en voiture, l'autre d'un côté. Oh, c'est machin. Ah oui, il y a un truc qui va pas non plus avec les gamins, là. Quand elle prend les gamins, elle vole avec. Elle les protège, certes. Elle vole mais pas ils avec. Se prennent quand même les coups, les gamins. T'es pas d'accord avec moi? Surtout qu'à un moment, tu vois, elle fait enrouler au boulet par terre avec les gamins dans les bras. Et tu vois que c'est des mannequins. Putain, j'ai explosé de rire. Tu vois deux bras en mousse agraffés sur Gal Gadot. Toi, c'est mauvais, quoi. Je veux dire, niveau effets spéciaux, quoi, des fois. Niveau cascade, ça va. Après, t'as cette troisième scène que moi, je trouve que c'est la meilleure du film. C'est dans la Maison Blanche. Ouais, je suis pas sûr. Il y a cette histoire de, elle est avec son diadème qu'elle balance sur les mecs. Ouais. C'est quand même assez violent. Hein. Elle se prend plein la gueule, les gardes du corps, hein, quand même. Bah, ils sont là pour ça. Hein. C'est avec 80. Avec le fouet. C'est les années 80, ça ne prend pas la gueule. Le fouet lumineux, là, tu sais. Le lasso de vérité. Ouais, le lasso. Le fouet. T'es pas dans Indiana Jones ici. Tu confonds. Donc, le lasso de vérité. Et puis. Les scènes au lasso, elles sont bien. Était pas trop mal, cette. Les scènes au lasso, elles sont bien. Ça fait vraiment une utilité au principe du lasso. Que d'habitude, ça sert pas à grand chose. Par contre, moi, juste un truc. Elle apprend à voler, mais dans BVS ou Justice League, elle sait plus faire. Que dalle, quoi. Après moi j'ai préféré la scène sur la route en Égypte, moi. Je trouvais ah que bon c'était moi c'est mon côté adorateur de Fast and Furious qui était content. C'est vrai que ça fait très Fast and Furious hein, cette histoire là. Putain carrément. Moi ça quand c'est entre les deux chars, au moment qu'elle écarte les deux chars. Là, ouais. Ouais, on voit bien la puissance de l'héroïne. C'est vrai que quand elle court, il y a je sais pas si c'est un parapluie mais quand elle court, ah ça fait fake. Il y a l'arrière-plan, il est bidon quoi, c'est pas beau quoi. Ouais, bah ils sont inspirés de Flash la série télé, je vois que ça. Puis t'as Chris Pine dans sa vieille 504 Peugeot. Bah ouais. T'as marqué. Attends, 84 Wonder Woman 84, donc c'est toute neuve 504 Peugeot. T'as été déjà bien cabossé hein, quand tu la regardes. Ouais, c'est une Peugeot. Puis après t'as les scènes avec l'ordre et tout ça, mais voilà, avec le terrorisme, mais ouais, c'est un petit peu trop classique quoi. Elle les trouve au pif quoi, ils sont en train de passer dans un champ, ils passent dans l'autre, il y a qu'une route en Égypte, tu vois, ils la trouvent. Ah tiens, c'est lui. Enfin, c'est trop, voilà, ça fait un peu ta gueule. Bah, c'est facile, y a des trucs quoi qui vont pas de toute façon, ça. Mais le problème c'est que c'est constamment quoi dans ce film. Constamment. Et je pense que j'ai un peu résumé tous les. Ah non, moi non, la fin. Pas fini. Bon, la fin où c'est. T'as pas fini. Où Lord il devient un méchant de Power Ranger, ça c'est ce que je te disais. Ouais. Il rentre dans le tunnel, il fait ah je suis le méchant, génial. Et là t'allais dire ah mais c'est que la vérité qui peut triompher. Et ça, c'est le pouvoir de l'amour, tu peux sauver le monde. Enfin. Bah c'est un peu le même discours que dans le premier avec Hadès. Bah pas Hadès, comment il s'appelle lui? Arès. Arès. Le moustachu. Moustachu. Avec professeur Lupin. La fin, quoi, c'est le pouvoir de l'amour. Renonce à ton vœu, j'y renonce. Et puis après, ça fait contrôle Z. C'est hyper mièvre, quoi. Mais c'est Superman 4 à la fin, t'as tout qui disparaît, quoi. T'as l'impression que c'est Superman qui répare la muraille de Chine. C'est-à-dire, t'as tout, c'est contrôle Z, là. Les missiles, ils explosent en vol, il n'y avait plus rien. Et puis, moi, je sais pas. Ils explosent en vol, il n'y a même pas de retombée. Même pas de retombée. Puis, ils disparaissent, les trucs, les silos, ils se referment, il n'y a plus rien. Le muraille, tout, il revient, il y a de l'eau, ils peuvent boire un coup. Mais ils explosent ou ils disparaissent? Bah, y en a qui disparaissent. Parce que là, je suis d'accord, parce que si son vœu est annulé, ça disparaît. Mais je veux dire, les Russes, ils ont pas fait le vœu d'avoir moins de missiles. Pourquoi ils disparaissent, ces missiles-là? Parce que les Russes ont pas fait de vœu d'avoir moins de missiles. Moi, je crois que c'est... T'essayes de chercher de la cohérence, il n'y en a pas, c'est ça le problème. Bah, non, la cohérence, ça va être compliqué à trouver. Mais, voilà. Et puis, à la fin, le mec est quand même dans une base secrète des États-Unis militaire. Enfin, moi, je suis le président des États-Unis, j'ai un truc où je peux gouverner le monde avec. Je le laisse pas dans mon bureau, hein. Et exposé comme ça dans mon bureau, hein. Pour que le méchant, il dise, ah, tiens, comme c'est pratique, je veux cette machine. C'est n'importe quoi! Non, mais à la rigueur, le côté manipulateur de Lord, il aurait pu être mieux exploité, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, mais là, c'est trop facile, quoi. Voilà, moi, je suis président des États-Unis, j'ai une arme qui peut gouverner le monde. Je la laisse pas trois panneaux devant tout le bureau pour dire, c'est quoi? Bah, ça, c'est intérêt pour gouverner le monde. Voilà. La caricature extrême du président américain de dire, je veux plus de missiles. Je veux dire, c'est pas un concours de bites non plus, quoi. Et puis, ah, si, 84, là, je te, bah, tiens, toi, j'ai réussi à le dire. Ça fait complètement, voilà, les hommes avec le petit H, c'est-à-dire pas l'être humain mais l'homme, le mâle, est complètement dit c'était un gros connard, quoi. Voilà, l'autre c'est soit un clochard violeur ou soit un président des États-Unis incapable ou soit un mec qui veut conquérir le monde pour avoir de l'argent pour montrer qu'il en est le plus gros. Et puis, que tout en monde. Quoi, peut-être que tu me diras ouais mais c'est normal, mais en quoi d'avoir plus de missiles ça fait réagir les Russes et qui balancent eux leurs missiles parce qu'ils les détectent. Voilà. Mais c'est ta gueule, c'est le scénario, hein. C'est juste à un moment ils se sont dit ça fait combien, ça fait c'est quand même 1h40 qu'on tourne. Ils détectent, en plus ils les détectent, c'est encore plus con parce qu'ils pourraient dire bah je vais les rendre invisibles ou je sais pas quoi, des conneries, tu vois, du style. Mais non, mais ils les détectent de mon cul aussi. D'où tu détectes des missiles en 84. Donc c'est bien ce que je dis, c'est écrit avec le cul. Ah bah c'est écrit avec le cul. Mais même à la fin, quand il va retrouver son fils, comment dans une ville grande comme New York, déjà il revient d'une base militaire, tu sais pas comment. Il a pris un avion, il s'est téléporté, donc, tu sais pas comment. Puis il retrouve son fils, ouais. Billy, il s'appelle pas Billy, je m'en fous. Alistair, ouais. Il s'appelle Alistair. Sur où les conseils Alistair d'ailleurs. Ah ouais, et puis je sais pas, mettez-le en garde à vue au moins parce qu'il vient quand même de péter la moitié de la planète. Arrêtez le mec, ils vont pas le foutre en tôle, ni rien. Tu ils peuvent pas le mettre en tôle parce qu'après il y a gros goût à élever. Faut qu'il compliqué. Ramène gros goût à Luc. Je veux dire, putain, c'est quoi? Puis à la fin où Diana elle rencontre l'alter de Steve Trevor là. Mais c'est quoi cette scène débile? Oh, super mièvre. T'as l'impression d'un téléfilm de Noël. Tu sais les téléfilms de Noël qui passent, ils ont passé pendant trois mois. Ouais, en plus ça se passe à Noël. Mais c'est complètement comme c'est. Non, je veux dire c'est scénario écrit avec le cul, quoi. Bah totalement, quoi. Mais y a rien qui fonctionne, quoi, dans ce film. Il y a un moment, t'as l'impression d'entendre le réalisateur qui est en train de gueuler « On n'a pas le temps !» On a l'impression qu'ils ont écrit des scènes, mais ils ont pas fait de cohérence entre elles, tu vois. C'est ça qui se passe. On dirait un film de Jackie Chan des années 90. C'est-à-dire que t'as des scènes d'action, et entre deux, t'as un truc qui essaye de raccrocher les trucs. Ouais. Ils vont divertir, et encore divertir, parce que de toute façon, comme on a dit tout à l'heure, il y a toute la partie amourette avec Steve qui, en plus, ne fonctionne pas, mais bon. Bah, c'était juste pour lui faire perdre ses pouvoirs, hein, c'est tout. Hein. C'était sa contrepartie, elle perdait ses pouvoirs, hein, c'est tout. Hein. J'ai dit deux fois la même phrase en 2 minutes, là. C'était, je veux dire, le truc intéressant par rapport au personnage de Diana, c'est que elle était faible. Un peu comme Superman dans le 3, quoi, d'ailleurs. Voilà. Et puis le personnage de Diana, ce qui est très bien, c'est que elle a besoin de personne normalement. C'est-à-dire que Wonder Woman, elle se débrouille quand elle dans le premier, elle sort des tranchées, elle va péter de la gueule, à de l'allemand, mais je veux dire, elle a besoin de personne. Les mecs, c'est pas pour l'aider, c'est pas elle le faire valoir. Là, voilà, sans Steve, elle s'en sort pas, tu vois. Ouais, je suis amoureuse, je veux pas te perdre. Et d'où sa force, elle est où là? Ouais, c'est vrai que sa force morale, elle est où? Non, ben faut revoir le premier parce qu'il est bon. Sauf la moustache. Même si c'est vrai que moi, je reproche quand même au premier film, c'est cette partie tout CGI dégueulasse, tu sais, à la fin, là, quand elle se bat avec Ares. Le premier, jusqu'à la mort du méchant, que c'est pas le vrai méchant, mais que tu t'y attendais. Ouais. Jusque là tout va bien. Après ça devient à la fois ranoneux. Après c'est le concert de CGI, quoi. Voilà. Mais sinon ça fonctionne bien. On va dire que Gal Gadot, elle tient quand même. Il y a une constance, je veux dire, que ce soit dans BVS ou dans JLA. JLA. JLA. Dont on verra le nouveau montage en mars 2000, dans mars prochain. Là, apparemment, Zack Snyder a annoncé que son film de 4 heures, il devrait être sorti sur HBO Max aussi dans les prochains mois. Mais voilà, quoi. Mais Gal Gadot, mais ça suffit pas à faire tout l'intérêt du film, quoi. Pour moi, Gal Gadot, c'est pas le problème du film, loin de là. Je te dis, c'est juste que la direction, ouais, comme tu dis, il faut une scène là, une scène là, une scène là, une scène là. Comment on les raccroche, tu te démerdes. Donc du coup, c'est raccroché à coup de gueule. Ta gueule, c'est magique. Ouais, c'est ta gueule. Ah ouais, mais ça résume tout le film, c'est ta gueule, c'est magique. Ouais, c'est un peu malheureux, mais bon. C'est CTRL Z, voilà, et on enlève la muraille à coup de laser. C'est un peu dommage qu'à point de une muraille de Chine, tu vois. Ouais. Donc t'avais rien à ajouter parce que j'ai l'impression d'avoir parlé un peu beaucoup. Ouais, bah non, y a plus rien à ajouter. Voilà, moi j'ai dit tout ce que je voulais voir. Non, ouais. Oh, bon, l'interprétation, je vais dire qu'il y a Gal Gadot, mais bon, Kristen Wiig et Pedro Pascal, ils sont pas mauvais, mais leurs personnages, ils sont mal écrits pour moi. Et puis Chris Pine, pour moi... Tu rentres dans le clicheton, c'est dommage, quoi. Chris Pine, il est égal à lui-même, mais il est sous-exploité, parce que c'est un super acteur. Hein. Moi, je peux vous recommander deux films avec lui. C'est déjà, il y a Comancheria, avec Jeff Bridges et Ben Foster. Très bon film, sur la crise de 2008. Enfin, sur les conséquences de la crise de 2008. Et puis, il y a un autre film qui situe, lui, plus dans la période médiévale, c'est The Outlaw King. Alors là, c'est un peu l'histoire de Robert Le Bruce. En fait, c'est un personnage qui était apparu dans le Braveheart de Mel Gibson. Je sais pas si tu l'as vu, ce film. J'ai pas vu Braveheart. Non. Et donc, c'est un peu la continuité de Braveheart, mais en fait, Robert Le Bruce continue un peu le combat de William Wallace, qui était joué par Mel Gibson. Donc, ces deux films, il faut absolument les voir. Chris Pine, c'est aussi le Capitaine Kirk de Star Trek. Donc, je sais pas si tu les as vus, les trois Star Trek. J'ai vu que le Into Darkness. Le 2. Ah, le premier aussi, mais je m'en souviens plus. Voilà quoi, il va peut-être faire un 4, mais ça c'est en suspens. Bah là c'est compliqué en ce moment pour tourner des trucs. Hein. Ah ouais. Avec une petite maladie, une petite grippe qui vient d'arriver. Remarque, ça n'empêche pas Disney d'annoncer 30 séries sur son truc. Hein. Ah ouais, on a WandaVision qui arrive aujourd'hui, notamment. Ouais. Et on en parlera un petit peu plus tout à l'heure des nouvelles séries. Ouais, mais sinon, moi, le film, moi, je le recommande pas. Je mets pas de moi, je vais dire que je le mets au... Je dirais que c'est un peu moins faible que Suicide Squad et Birds of Prey. Pour moi, Birds of Prey, c'est... Birds of Prey, c'est le pire. Oh, c'est le pire. Voilà, bon, on va terminer pour cette première partie consacrée à Wonder Woman 1954, un film pas brillant qu'on attendait quand même en 2020. Hein, on avait beaucoup d'attentes sur ce film. Hein. Il faudrait qu'on les publie. Mais vous pouvez revoir nos anciens podcasts au moins en audio. Vous verrez qu'on avait quand même pas mal d'attentes sur ce film. Et ben, à chaque fois qu'on a de l'attente de toute façon sur un film, j'ai l'impression qu'on est déçu. Hein. Puis là, le DCEU est mort. Quoi. C'est complètement mort. Hein. De toute façon, ils veulent faire. J'ai entendu dire qu'ils vont faire des spin-offs d'Aquaman. Ils voulaient faire The Trench sur les espèces de monstres qu'on voit, tu sais, au moment quand ils sont sur le bateau. Là. Ouais, quand ils plongent dans les profondeurs. Ouais, c'est ça. Et puis ils veulent faire aussi un spin-off sur Omero. Ce qui n'a aucun intérêt, mais bon. Pas trop l'intérêt non plus. Ouais. Bah, on commence à être à court d'idées au DCU. Le DCEU. Non, il est mort. Hein. C'est que des films indépendants pour moi. Déjà, Shazam, ça avait annoncé la couleur. Il y a un 2 qui va sortir, là. Ouais, mais je veux dire, c'est pour le DCU. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cohérence dans l'univers. C'est-à-dire que. Il n'y a plus d'univers partagé, c'est ça que ouais, tu veux dire. Ouais, voilà. Il n'y a plus d'univers partagé, c'est chacun son monde. Voilà. Il n'y a plus de Batman, il n'y a plus de Superman, il y a, voilà. C'est soit une licence. Mais alors, il n'y a plus de crossover, on va dire, dans le DCU. Là, de toute façon, après Justice League, la version de Snyder, le prochain, ce sera Batman avec Pattinson. Donc, il n'y a plus du tout de. Non, il n'y a plus de. Il n'y a plus du tout de raccord, quoi. Non, plus de ramifications, pour moi. Le DCU est décédé officiellement à la heure du décès. Desized, comme de le dire le. D'ailleurs, il y en a un comics qui fait le jeu de mots, Desized. Et ben, c'est exactement ça. Et puis, on va peut-être couper pour cette première partie, si tu veux. Ok, on va couper. Puis, on va se retrouver juste après pour la deuxième qui sera peut-être un peu plus intéressante. Un peu plus passionnante, on va dire.